France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the bathroom. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Bonjour à tous. Depuis le 21 mai, il est chaque soir ombre aux Folies Bergères dans une comédie musicale intitulée Love Circus. Mais sur la 42e rue, le rendez-vous des amoureux de la comédie musicale, on s'est dit qu'il méritait de prendre un peu plus la lumière. Il fait partie de cette génération d'acteurs qui savent tout faire, chanter, danser, de grands talents. Et on l'a vu dans un nombre étonnant de comédies musicales. Il a créé par exemple le rôle de Tintin dans l'éphémère adaptation en comédie musicale de cette bande dessinée en Belgique. Il fut sur le pont du Titanic à Liège, à l'Opéra, dans la comédie musicale de l'Américain Maury Yeston. Il a aussi chanté aux côtés de Catherine Ringer sous une mise en scène loufoque d'Alfredo Arias. Il a créé, excusez du peu, le rôle-titre dans la toute dernière comédie musicale de Michel Legrand, Dreyfus. Et puis, depuis quelques années, on le voit régulièrement dans les comédies musicales mises en scène par Stéphane Jarny aux Folies Bergères. Il était conteur dans Salut les copains, speakerine dans Disco, et donc Ombre, un homme qui perd ses consonnes dans Love Circus. Son nom, Vincent Eden, et ce matin, c'est à lui que la 42e rue donne, durant le temps d'une heure, les clés de la maison. Il a fait tout, la programmation, choisi ses invités, et il ouvre le bal avec une comédie musicale qu'il n'a jamais interprétée, mais qu'il rêve peut-être d'interpréter, je ne sais pas, Le baiser de la femme araignée, d'après le roman de Manuel Puig. Alors c'est une œuvre sombre, Le baiser de la femme araignée, deux hommes emprisonnés sous la dictature en Argentine, et l'un d'entre eux qui s'évade en pensant à sa star de cinéma préférée. Ce matin, en direct au studio 106, Vincent Eden incarne non pas l'un des prisonniers, mais cette star, cette femme, dans la chanson titre « Le baiser de la femme araignée ». Adaptation en français, Stéphane Laporte, au piano, Paul Steikou. Elle viendra t'apparaître au détour d'une rue, près de quelques fenêtres, et bientôt tu vivras l'instant du premier baiser. Un jour ou l'autre, le calme est chez toi, la chandelle vacille, et soudain, elle est là, qui s'avance dans l'ombre et se joint de ta fièvre, t'offre ses lèvres. Et la nuit sur l'onde fait glisser son voile. Les couleurs se fondent, puis dans l'heure qui suit, tu es pris dans sa toile. Araignée, femme, elle déploie sa cape. Tu t'enfuis, mais jamais ne t'échappes. Un jour ou l'autre, ton cœur va s'ouvrir, un regard te rejoindre, une voix t'étourdir, mais fugace est l'amour, un amour qui effarouche sa bouche. Un jour ou l'autre, la vie te sourit, tes désirs sont désordres, chacun te dit oui, mais ta gloire est fragile et bien vite effacée d'un seul baiser. Tu es pris dans sa toile, araignée, femme, elle déploie sa cape. Tu t'enfuis, te défends, te débats, mais jamais ne t'échappes. en direct du studio 106, Vincent Eden, le baiser de la femme araignée. Le baiser de la femme araignée, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Mais bien et vous ? Mais je vous demande ça parce que hier vous avez fini à quelle heure ? On a, comme tous les soirs, on a fini aux alentours de 22h30, Love Circus. Mais dites pas que vous allez vous coucher tout de suite après. Après une comédie musicale, on peut pas dormir. Alors hier soir, j'avais pas le choix. Il a fallu que je me couche bientôt pour être là ce matin pour faire les balances avec tous mes amis. Mais voilà, puis je retourne tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. À 16h. Ouais. Alors entre-temps, vous avez le temps de faire de prendre les clés de la 42e rue. Ouais. On est ravis de vous les avoir offertes, ces clés. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez bâti cette programmation et pourquoi vous avez commencé par cette chanson-là. Alors cette chanson parce que c'est une chanson que j'ai découverte il y a quelques années, je crois, à l'époque de Titanic d'ailleurs, quand j'ai vraiment commencé, et qui m'a complètement bouleversé. Et puis je me suis intéressé au musical dont vous avez parlé tout à l'heure. Cette chanson qui est aussi dans un autre musical qui est un patchwork des chansons de Kander et Ebb, où on retrouve cette chanson chantée par un homme. Donc c'est possible, les hommes ont le droit de chanter cette chanson. Donc voilà, c'est une chanson qui me touche et je me disais, c'est une occasion rêvée pour pouvoir l'interpréter parce que certainement je ne le ferai pas sur scène, a priori. Et puis j'ai même pas eu besoin de réfléchir pour choisir Paul Staikou pour m'accompagner dans ce délire musical. Comme, au piano. Ouais, au piano, le merveilleux Paul Staikou, moi je l'applaudis. Parce que... Paul Staikou. On le connaît parce qu'il était, le spectacle vient juste d'achever sa carrière actuelle à Paris, mais il était l'un des deux duettistes d'un très très drôle cabaret qui s'intitule Duel et qui va tourner maintenant à travers l'Europe, notamment prochainement en Allemagne. Oui, et plein. Et puis voilà, un talent et une humanité assez incroyable. Et puis ça m'a tout de suite amené vers mes deux autres camarades que j'ai fait venir pour des raisons artistiques évidentes et puis des raisons humaines et personnelles. Qui me sont très chers, voilà. Alors on va les rencontrer, Rachel Pignot, qu'on peut applaudir, et Florence Pelli aussi, dans un instant. Mais question toute bête, comment vous avez débuté dans la comédie musicale, Vincent, Eden ? Par erreur, je crois. C'était pas du tout ça que je pensais faire au départ. Moi, je pensais faire de la musique, tout simplement, et du théâtre. Mais je savais pas qu'on pouvait faire les deux en même temps. J'avais fait de la danse aussi, accessoirement, mais je pensais pas devenir danseur, jamais. Jean-Louis Grindat a fait ses auditions pour Titanic à Paris, et puis j'y suis allé, je ne sais plus pourquoi, quelqu'un m'en a parlé, et puis chose incroyable, enfin je trouvais ça incroyable à l'époque, il m'a pris, malgré mon jeune âge, et puis... Jeune âge, quel âge ? Quel âge j'avais à l'époque ? Une vingtaine d'années ? J'avais déjà fait des spectacles musicaux à Paris, mais... Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, à 18 ans, mais c'est la première fois que j'étais dans un musical, vraiment du théâtre musical. Une aventure extraordinaire à l'opéra avec beaucoup beaucoup de monde sur scène et puis des gens d'un grand talent, donc j'ai été très impressionné et puis j'ai fait des rencontres comme Stéphane Laporte que j'ai rencontré à cette occasion et puis plein d'autres. Je pense que Florence, on a dû se rencontrer aussi. Je suis venue te voir jouer. Voilà, tu es venue me voir jouer, tu es très gentille. Et on s'est rencontrés à cette époque. Donc voilà, ça a été, c'est comme ça que ça a commencé. Alors avant de continuer plus loin dans ce concert, je voudrais faire un petit flashback. Ce sera le seul ce matin, Vincent Eden. Vous étiez venu il y a exactement 5 ans, ici même, en concert. Paul Staikou était déjà au piano. C'était avec la troupe d'une comédie musicale loufoque, signée Mel Brooks, inspirée de son film Frankenstein Junior. C'était une pièce qui se donnait au théâtre de Jazet. Beau succès, prolongation. Et déjà, vous faisiez quoi ? Des claquettes, vous chantiez, vous dansiez. Et vous interprétiez donc avec fougue le petit-fils du docteur Frankenstein. Le cerveau, rappelez-vous, c'était en 2011 avec Vincent Eden. On l'a dit. Père de ma vie à des tissus morts. Est-ce vrai, docteur Frankenstein? On l'a dit, votre grand-père crée un jour un épouvantable monstre. Est-ce vrai, docteur Frankenstein? On l'a dit, on l'a même chanté. Cet épouvantable monstre aurait tué. Est-ce trop bien? Est-ce vrai? Ça prononce Frankenstein. Ah ! Oui, oui, oui. Le monde entier sait ce qu'a fait mon grand-père. Mais par pitié, est-ce que j'ai l'air d'un fou furieux qui erre dans les cimetières et déterre des cadavres fraîchement inhumés ? Ne répondez pas. Je suis pas un Frankenstein. je renie mon aïeul et tous ses postulats. Je suis pas un Frankenstein, je ris de loup-garou et autres Dracula. Aucune chimère pour moi, je suis un scientifique. La soif de vérité, c'est ce que moi je revendique. Il y a un abîme entre les expériences fantasmatiques de mon dingue de grand-père et ma propre dévotion à la science. Ce qui nous conduit sans transition au sujet du cours d'aujourd'hui. Le cerveau, rien de tel que le cerveau. Les poumons ne sont que des joujoux comparés au cerveau. Dingo, je suis dingo du cerveau. L'être humain n'a jamais à ce jour fait mieux que le cerveau. Ma bouche, je l'aime trois fois par jour. Quand je mange, quand j'ai mal au foie, je boude. Vive la vie si je me dis quand je vis dans jeu. Et vraiment j'adore jouer des coudes. Mais le cerveau, je précise en quelques mots, pas un grand génie qui ne le dise, qu'on se le dise, c'est beau. De comprendre la différence entre l'influx nerveux moteur et l'influx nerveux volontaire. Parfait ! Nos travaux pratiques d'aujourd'hui sont précisément une démonstration de cette distinction. Monsieur Hilltop, ici présent, avec qui je n'ai jamais travaillé, à qui je n'ai donné aucune instruction préalable, a gracieusement offert ses services pour la démonstration de cet après-midi. Monsieur Hilltop, bonjour. C'est le bulbe qui renseigne le cortex qui s'en imprègne par des ondes qu'il atteigne et qu'il ressent ipso facto. Son thalamus palpite d'un réflexe qui l'agite et c'est ainsi quand on l'excite que le corps fait ce qu'il faut. Mais quelle merveille que le cerveau. Monsieur Hilltop, voulez-vous descendre de votre civière et vous tenir près de moi, je vous prie. Quelle descente. Monsieur Hilltop, veuillez lever le genou gauche, je vous prie. Vous venez d'assister à un influx nerveux volontaire. Monsieur Hilltop, baissez le genou, merci. Les mouvements moteurs, en revanche, sont ceux qui se font indépendamment de notre volonté. Sale petite enflure de menace ! Observez le lien connexe qui déclenche le réflexe, qui pour protéger son sexe le fait agir aussitôt. Ceci, je vous explique, vient des jambes synaptiques qui cheminent très méthodiques jusqu'à délivrer l'info. Mais quelle merveille que le cerveau. Mais si nous bloquons ces influx nerveux par l'application d'une simple pression locale, ce qui peut se faire avec une pince métallique ordinaire positionnée précisément sur le renflement de la racine nerveuse postérieure pendant, disons, 4 secondes. Misérable bougre de salopard ! Comme vous pouvez le constater, je viens de démolir les parties de Monsieur Hilltop d'un coup de genou. Pourtant, il ne réagit pas. Il ne ressent absolument rien. Ou presque. Donc, s'il n'existait pas ce courant continu d'impulsion motrice partant du cerveau, on s'effondrerait comme une branche de brocoli ! Et je conclue ce petit aperçu en vous livrant ces quelques mots notés. Si certains organes ont quelquefois des pannes, on peut faire toute confiance au cerveau. Tout le monde ! Le cerveau, rien de tel que le cerveau. Et son règne n'aura pas de fin, nous l'affirmons bien haut. On peut dire que je suis Copernic ou Kepler, comme qu'on paraphrase, je fais des petits bons en l'air. On peut m'appeler Gutenberg ou Einstein, parler de Hertz, je ne dirais pas Nein. Mentionnez Braille, je ne serai pas hostile. Dites Volta et vous tomberez pile. Dès qu'on évoque Edison, je m'éclaire. Marie Curie, j'en veux bien pour grand-mère, c'est vrai, y'a pas photo quand on compare à Niepce. Qu'on lise Pavlov et j'aboie comme un clef, sauf qu'on me compare à ce vieil Archimède, ou même à celui qui a inventé le tien, mais de dire que je suis un Frankenstein est faux. Le cerveau. En 2011, le cerveau, quel souvenir vous gardez de ce rôle du petit-fils du docteur Frankenstein, Vincent Redden ? Je suis épuisé là, m'a épuisé. Un souvenir fantastique, une merveilleuse adaptation de Stéphane Laporte qu'on a pu entendre. C'était un spectacle extraordinaire que j'aimerais vraiment refaire un jour. J'espère qu'on pourra le reprendre avec cette même équipe et cette même fougue, parce que c'était... C'était, même nous, je crois que c'était impressionnant. On a revu des images après, on s'est dit, mais nous étions fous, et nous l'étions. C'était un rôle total, hein, pour le coup, là, celui-là. C'est vraiment, vous faisiez tout, là, des claquettes. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait une large palette, et c'est bien, parce que, pour le coup, on parle du cerveau, mais là, le cerveau, il est bien occupé pendant 2h30. Je crois qu'il n'y avait pas de pause du tout. Et ça, c'est bien, cette espèce de sprint. J'adore ça. côté très, très endurant comme ça, j'aime beaucoup. Alors ça c'était le flashback, mais maintenant ben, on continue de dérouler votre programme. Ça c'était ma petite Madeleine à moi, mais maintenant on fait votre programme Vincent Eden. Et alors ça n'a rien à voir, c'est une chanson composée par Kurt Weill. C'était à l'époque où Kurt Weill avait fui l'Allemagne nazie et habitait durant quelques années en France. Il avait décidé d'adapter en musique un texte de Maurice Magre. C'était en 1934, une chanson qui s'intitule « Je ne t'aime pas ». Vincent Eden, en direct au studio 106, sur la 42e rue de France Musique. Retire ta main, je ne t'aime pas, car tu l'as voulu. Tu n'es qu'une amie, pour d'autres sont faits le creux de tes bras et ton cher baiser, ta tête endormie. Ne me parle pas lorsque c'est le soir, trop intimement, à voix basse même. Ne me donne pas surtout ton mouchoir, il renferme trop le parfum que j'aime. Dis-moi tes amours, je ne t'aime pas. Quelle heure te fut la plus enivrante, je ne t'aime pas. S'il t'aimait bien, ou s'il fut ingrat, en me le disant, ne sois pas charmante, je ne t'aime pas. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas souffert. Ce n'était qu'un rêve et qu'une folie. Il me suffira que tes yeux soient clairs, sans regret du soir ni mélancolie. Il me suffira de voir ton bonheur, il me suffira de voir ton sourire. Conte-moi comment il a pris ton cœur, et même dis-moi ce qu'on ne peut dire. Non, tais-toi plutôt, je suis à genoux. Le feu s'est éteint, la porte est fermée. Je ne t'aime pas. Ne demande rien. Je pleure, c'est tout. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, oh, ma bien-aimée. Retire ta main, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Vincent Eden, pourquoi ce choix de chanson que je ne connaissais pas, Je ne t'aime pas? Alors une autre chanson qui me bouleverse et que je n'avais jamais interprétée, en fait, sauf dans nos longues séances de travail avec Paul Staïkou, que j'adore encore, je lui redis. Et puis parce qu'on est plongé en ce moment avec Florence dans un Kurt Weill, l'opéra de Katsu. Florence Pelli. Florence Pelli. Et puis du coup, voilà, Kurt Weill, ça m'a amené à écouter plein d'autres choses, et puis m'a rappelé cette magnifique chanson que je vous remercie m'avoir laissé interpréter. Bah, c'est nous qui vous remercions. Alors, on parle avec Florence Pelli dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous me présenter votre première invitée, Rachel Pignot. Rachel Pignot. Bonjour, Rachel Pignot. Bonjour. Rachel Pignot, c'est une rencontre merveilleuse. On s'est vraiment rencontrés sur Dreyfus, puisque je jouais Dreyfus, mais Rachel jouait ma compagne. Et ça a été un moment de grâce absolument incroyable. J'entendais beaucoup, beaucoup parler de Rachel comme étant un ange chantant. Et je confirme qu'elle chante comme un ange, mais qu'elle est un ange aussi. Et voilà, ça a été une rencontre artistique et humaine formidable. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir ce matin. Alors Dreyfus, qu'est-ce que c'est, Rachel Pignot ? Dreyfus, ben, c'est l'histoire... De cet homme et de cette famille qui a... Rachel n'aime pas parler, Laurent, vous Rachel le savez. Rachel déteste ses interviews. C'était un test en direct pour rigoler. Oh. Allez. Vincent, qu'est-ce que c'est Dreyfus ? Mais Dreyfus, c'était la dernière comédie musicale de Michel Legrand. De Didier Von Kovelhart et Michel Legrand, pour lequel Rachel et moi avons été choisis pour interpréter donc Monsieur et Madame Dreyfus. Et donc c'est évidemment l'histoire de ce drame historique, un moment de l'histoire mis en musique. Voilà. Voilà. En fait, c'est même une comédie musicale. C'est très étrange. C'est une comédie musicale que personne n'a vue sauf les Niçois, puisque ça a été présenté, je crois, 3 fois à l'Opéra de Nice. Non, on a joué 16 fois. Ah, pardon, ouais. 16 fois à l'Opéra de Nice. Oui. Et puis il y a quelques Parisiens qui sont venus. Jusqu'à Nice nous voir. Voilà, et très très belle mise en scène, je dois dire. Daniel Benoît. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Michel Legrand ? Parce qu'il était là pour cette création. Donc c'est un texte de Didier Van Kovelhart, musique de Michel Legrand. C'était très impressionnant de rencontrer l'homme qui a fait toutes ces musiques qui me touchent particulièrement, et je sais qu'elle touche Rachel aussi beaucoup. Donc ça a été une collaboration artistique intéressante, étonnante, émouvante. Vous dites ça avec un petit sourire, c'est-à-dire... Il est particulier. Parce que je souris, il est exigeant. Il est très exigeant. Voilà, Michel Legrand est très exigeant. Et c'est bien parce que nous aussi. Donc, ça nous correspondait bien. Et puis, c'était une histoire qui nous touchait beaucoup. Bon, Didier Van Kovelhart, on avait déjà collaboré ensemble sur Tintin, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, c'était des retrouvailles. Et puis, voilà. Et ça s'est finalement. Enfin, je dis finalement, c'est pas bien. Ça s'est très, très bien passé avec Michel Legrand. Alors, voilà. Et ce matin, vous nous faites un cadeau à la fois Rachel. Je ne sais pas si elle peut parler avec son micro chanson. Non, il ne faut pas qu'elle parle avec son micro chanson. Mais du coup, elle est baïonnée, elle ne va que chanter. Mais par contre, c'est un vrai cadeau que nous fait Rachel et que vous nous faites, Vincent Eden. C'est une des chansons de cette comédie musicale. Donc, il n'y a pas d'enregistrement. Et c'est une des chansons les plus touchantes du spectacle qui s'intitule Sommeil bleu. Donc, on est bien d'accord que vous interprétez le capitaine Dreyfus, Vincent. Elle interprète votre femme. Et à quel moment du spectacle cette chanson intervient, Sommeil bleu ? C'est au milieu des longues, longues, longues recherches que fait cette pauvre femme esselée contre toute autorité à l'époque pour essayer de prouver l'innocence de son mari contre cette accusation absurde, en fait. Et donc, elle se retrouve seule avec ses enfants à écrire désespérément à son mari dont elle reçoit de moins en moins de lettres. Et qui est emprisonnée, donc. Qui est emprisonnée, oui. Sommeil bleu, extrait de Dreyfus, la comédie musicale de Michel Legrand et Didier Van Kovelhart, créée à l'Opéra de Nice en 2014. Une chanson créée par Rachel Pignot et en direct ce matin sur la 42e rue de France Musique. Ce soir, il pleut sur le jardin, au plafond, votre ciel est bleu. Vous dormez bien, votre sommeil est le seul repos de mes journées. Il ensoleille ma vie noyée, l'absence et la différence. Je me suis battue contre toute la France, la seule convaincue de notre innocence. C'est moi. soyez fiers de votre papa qui dort dans votre nuit. Il pleut dehors, mais vous rêvez à lui. Mensonge ou réalité? Ça se nomme. Je mens par nécessité à mes enfants, à mon âme. Je lutte pour une vérité dont ne veut personne. Tout le monde t'a abandonné. Tes enfants te croient en vacances. En menant de mort ton frère, l'armée te laisse en souffrance. Dreyfus n'est plus qu'une affaire classée, une erreur qu'il cache en cellule. Mais la rage qu'il me donne, je la dissimule. Je devrais changer de nom, il me le stipule. On me dit tel mon nom que ça me stimule. Censure font renaître ma blessure. Mensonge ou réalité? Pour moi aussi c'est tout comme. Je mens par nécessité à mes enfants, à mon homme. Je lutte pour une vérité qui demeure dissimulée. Mais pourtant même, dans ton silence, je t'entends. Au-delà de ces murs de haine, j'attends, j'ai confiance, je t'aime. Ce soir, il pleut sur le jardin. Au plafond, votre ciel est bleu. Dormez bien. Sommeil bleu, Rachel Pignot, extrait de cette comédie musicale, Dreyfus. Restez là, Florence, ne bougez pas tout de suite. Mais juste, j'avais une question, Rachel. Vous l'avez créée, cette chanson? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Michel Legrand vous dirige lorsque vous créez la première fois une de ses chansons? Oui, je vais essayer d'arriver à m'exprimer. Mais oui. Michel Legrand fait partie de mes grands inspirateurs et j'avais ce rêve d'un jour pouvoir interpréter une musique. J'aurais jamais imaginé le faire avec lui dans une création et avoir cette chance. Et c'était, voilà, merci à ce beau projet, à toute cette équipe et à lui. Et, donc oui, il était là, il nous dirigeait et c'était très... déstabilisant et à la fois même magnifique. Il changeait des notes pour vous? Oui, c'est vrai. Il a la chanson telle qu'il l'avait écrite. Quand il m'a entendu chanter, je crois, il a voulu la changer et il s'est dit que je pouvais faire d'autres choses qu'il entendait et du coup, c'est encore plus beau quand la chanson naît ensemble. Voilà, c'est un vrai cadeau. Je suis heureuse d'avoir pu la faire et merci Vincent. Avec plaisir. Vincent, vous nous présentez votre deuxième invité? Alors, Florence Pelli. Mais attends, ne t'en vas pas, Florence. Ah si, pardon, tu t'en vas. Florence Pelli, ben voilà, une autre interprète géante. avec cette... si tu es grande, avec cette voix qui me touche beaucoup, vous allez voir un peu, c'est le grand écart avec Rachel, et c'est ça que j'aime, c'est la diversité, et puis quelqu'un qui me touche donc, par son art, mais qui me touche par, par sa personne, par qui elle est, et je suis très très content qu'elle soit là ce matin. Pour Taking a Chance on Love, une chanson qui swing, comme Florence Pelly, en direct sur France Musique. Here I go again, I hear those trumpets blow again, I'll let go again, taking a chance on love. Here I slide again, but you take that ride again, starry-eyed again, taking a chance on love. I thought the cards were frame up, I never would try, but now I'm taking the game up, and the ace of hearts is on. Things are mending now, I see a rainbow blending now, we'll have a happy ending now, taking a chance on love. Here I slip again, about to take that trip again, got my grip again, taking a chance on love. Now I prove again that I can make life move again, in the groove again, taking a chance on love. Walk around with a horseshoe and cover a lie, and ride the rabbits, of course you better kiss your foot goodbye. On a bull again, I'm riding for a fall again, I'm gonna give my all again, taking a chance. A Chance on Love. Bonjour Florence Pelly. Bonjour Laurent. C'est vous qui avez choisi la chanson ou c'est Vincent Eden qui vous l'a imposée arbitrairement? Non, c'est moi qui l'ai choisie. Parce qu'il est gentil. Et pourquoi? Et pourquoi alors? Parce que je l'aime. Voilà. Moi, je l'aime. Dire, j'aime Vincent. Ah, merci. Mais j'aime cette chanson, puis j'avais jamais eu l'occasion de la chanter, alors je me suis dit que c'était l'occasion. Eh bien, écoutez, parfait. C'est très bien que aussi la 42e rue serve à ça, je dois dire. Ouais. Florence et Vincent, vous êtes en train de travailler ensemble, je ne me trompe pas? Oui. Enfin, on n'a pas tout à fait commencé. Là, on travaille chacun dans notre chambre. Oui, pour l'instant. Les répétitions n'ont pas encore commencé. Mais on va faire l'opéra de Katsu avec Jean Lacornerie, qui va commencer en octobre de là, 2016. Ouais. Donc, on va un petit peu répéter à partir de cet été. Puis voilà, on va faire ça. Alors, qui va interpréter quoi dans cet opéra de Katsu? Lui, il va faire Maki. Maki, le surinateur. Et ce qui est quand même un rôle absolument magnifique. Moi, j'ai très hâte de voir, de voir Vincent dans Maki. Et puis moi, je vais faire Madame Pichou. D'accord. Cette peste, on peut dire. Pas très gentille. Pas, voilà, un rôle de composition, peut-être. Oui, car je suis très gentille. Mais complètement. Contrairement à Madame Pichou. Non, voilà, c'est une méchante dame qui avec Monsieur Pichou, qui sera interprétée par Jacques Verzier, mon vieux complice. S'il m'entend. Et donc, qui sont un couple épouvantable, une espèce de Thénardier allemand.

Un second duo, cette fois c'est extrait de Chicago, la comédie musicale de John Kander et Fred Ebb, une chanson normalement interprétée à la fin du spectacle par les deux meurtrières sorties en fin de prison après avoir assassiné leur mari ou leur petite amie. Mais voilà, elles ne font plus la une des journaux et d'autres femmes meurtrières les ont remplacées au vedettariat. Alors pour gagner leur vie, elles ont créé un spectacle commun et sur scène, elles chantent les plaisirs de la vie. Alors ce matin, les rôles de Mademoiselle Roxy Hart et Velma Kelly sont interprétés par Florence Pelli et Vincent Eden. It's good, isn't it grand, isn't it great, isn't it swell, isn't it fun, isn't it nowadays, there's men everywhere just everywhere booze, everywhere life, everywhere joy, everywhere nowadays. You can like the life you're living, you can live the life you like, you can even marry mess around with Ike, and that's good, isn't it grand, isn't it great, isn't it swell, isn't it fun, isn't it, but nothing stays. In 50 years or so, it's gonna change. Vincent Eden, Florence Pelli en direct du studio 106 pour ce Nowadays extrait de Chicago. C'est une comédie musicale que vous rêveriez d'interpréter, par exemple, le rôle de l'avocat. Le rôle de Velma Kelly, vous voulez dire Non. C'est une comédie musicale que j'ai adoré voir et revoir. Je l'ai vue, je ne sais plus, peut-être 3 fois à Londres et 1 ou 2 fois à Broadway. Oui, mais non, pas particulièrement chantée dedans. Mais cette chanson, je la trouve joyeuse, ouais. et je sais pas, libertine et sensuelle. Et je sais pas, elle me plaît. Vivante. Et vivante. Et alors, si je vous demande quel, dans vos rêves les plus fous, quel rôle vous aimeriez interpréter dans des comédies musicales, Vincent Eden? Oh bah, j'espère des rôles auxquels je pense pas. Mais c'est vrai qu'il y a un personnage que j'aimerais bien interpréter, c'est Charlie Chaplin. Voilà, ça c'est quelque chose qui me toucherait beaucoup. Il y a eu quelques pistes, mais pour l'instant ça n'a pas encore abouti. Et ça c'est vraiment un personnage bon, qui me touche. Je crois que j'ai dit 20 fois le mot au cours de cette émission, donc je pense qu'on a bien compris que j'aimais bien être touché. Et voilà, ça c'est dit. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est les choses qui me font vibrer, qui me font sourire ou qui me font pleurer. C'est des rôles, c'est pas forcément des œuvres. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Parce qu'il n'y a pas de comédie musicale sur Chaplin. Il y en a une qui n'a pas très bien marché à Broadway. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance de faire beaucoup de créations. Et c'est vrai que la création, c'est assez formidable de pouvoir travailler avec le compositeur, l'auteur qui sont là et de construire des choses. Maintenant, les reprises, ça peut être aussi très, très, très intéressant et challengeant. Oui, j'invente des mots, Laurent. Tout me va, en fait. Si ça me parle, je fonce. Alors, Vincent Eden, c'est votre fête ce matin et c'est vous qui avez fait le programme. Là, par exemple, vous n'allez pas chanter. Expliquez-moi. Parce que je parle aussi. Parce que non, c'était parce que on a fait un joli spectacle avec Marion Biry, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup et qui fait partie de ces personnes qui me font faire un peu le pont entre le musical, le théâtre, et puis il y en a d'autres qui le font avec la musique pure. Et j'aime pouvoir faire ça. Et là, on était dans une forme un peu particulière, puisque la poésie, et puis un poète, pareil, encore une fois, qui m'a beaucoup touché, pardon, mais je le redis, Robert Desnos. Et donc, on a fait ce spectacle qui s'appelle Robert le Diable, dont je vais vous interpréter un extrait. Ben écoutez, je vous laisse vous diriger vers le micro du Studio 106. C'est donc une lecture, cette fois, sans musique, un poème qui s'intitule « L'arrosoir » de Robert Desnos. Et c'est donc extrait d'un spectacle qui s'intitulait « Robert le Diable ». C'était un arrosoir percé de 12 trous. Il vous raconte son histoire, pas drôle du tout. J'étais un arrosoir célèbre, respecté de tout le monde, et comme tous les arrosoirs à l'époque, je n'avais pas de trou. Nous n'avions pas de pommes, nous avions une anse, ça ne regardait personne. Nous vivions en silence. Mais un jour, un jardinier vint entraînant ses gros pieds. Il me saisit brutalement par l'anse, il me saisit avec violence. « Tu vas arroser les roses !» Arroser les roses. Que les roses s'arrosent si ça leur plaît. Mais je ne toucherai pas à une rose, je pourrais me piquer. C'est une chose qu'on m'apprenait à l'école. Refus d'obéissance, conseil de guerre, j'étais en train de manger une pomme, pam pam pam, 12 balles dans la pomme. Et je garde ma pomme entre les dents, ma pomme percée de 12 trous. Et maintenant, il n'y a pas de chien-dent, j'arrose la terre. C'est depuis ça que les arrosoirs rongent leurs freins. Moi, si j'étais à la place des jardiniers, je ne dormirai pas tranquille. Un jour viendront des arrosoirs, sans trous, sans pommes, sans anse, et passés au rasoir, bien rasés, décidés, en silence. Ce qui se passera ce jour-là, on le verra. Mais les histoires d'arrosoirs, c'est tout badinage et futilité. Il paraît qu'il y a des hommes silencieux comme des arrosoirs, des hommes qui n'ont plus de pommes, des hommes percés de 12 trous noirs. Dites-moi, homme, est-ce que ces hommes arrosent aussi la terre? Mais avec un liquide rouge que vous appelez le sang? L'arrosoir de Robert Desnos. Et dans un tout autre registre, maintenant, voici une chanson de Richard Rodgers et Lawrence Hart. Alors, ces deux auteurs qui sont à la fête dans le nouveau film de Woody Allen, Café Society. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Ça se déroule à New York et à Hollywood. Et les musiques de Rodgers et Hart, non chantées, baignent ce film. Il n'y a pas celle que Vincent Eden a choisi d'interpréter ce matin, une chanson créée pour une comédie musicale qui s'intitulait Babes in Arms, My Funny Valentine. Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are ineffable. Unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. My Funny Valentine, Vincent Eden, en direct au studio 106 de France Musique. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, Vincent Eden. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit On a dit que vous étiez acteur, chanteur, danseur. On n'a pas dit que vous étiez aussi arrangeur vocal. Ah oui, c'est vrai, j'aime bien faire ça aussi. Et ça vous est tombé dessus comment? Finalement, j'ai eu le goût de ça très très tôt, mais pour moi. Et puis après, j'y étais amené par nécessité. Et puis finalement, ça a plu. Et puis tant mieux, parce que ça me plaisait aussi. Et puis voilà, maintenant, on m'appelle aussi pour ça. Ouais, et parfois même aussi pour coacher quelques comédiens qui s'essaient à la comédie musicale. Et ça aussi, ça me plaît beaucoup. C'est la diversité qui me séduit. Nicole Croisy parle en très très bons termes de vous. Ah, elle était dans Irma la Douce. Alors on a un exemple d'arrangement vocal. C'est pour conclure cette carte blanche à Vincent Eden. Et chers auditeurs, je n'annonce pas ce que c'est. Je vous laisse découvrir. Peut-être reconnaîtrez-vous cette chanson. Rachel Pignot, Florence Pelli, Vincent Eden, au piano, Paul Staïkou. Je suis une autruche. Ah non, Florence. Pas une autruche. Bah quoi? Bah objectivement, tu n'es pas une autruche, non? Bah, si, regarde. Je suis grande. Ouais. J'aime les plumes. Oui. Ouais. Je suis un peu volage. Non, t'es une autruche. Ah bah attends, bah moi aussi je suis une autruche. Ah oui, toi t'es une autruche. Toi oui. Bah oui. Mais Rachel alors? Ah bah elle est un peu petite quand même. Bah une petite autruche. C'est une autruchonne. Mais oui. Ah bah non, bah ça va, on est tous des autruches, alors tu peux y aller. Vas-y Paul, tu peux continuer quand tu veux. Je suis une autruche folle de jazz et de scat. Je chante en faisant des clics et des claques, des pics et des blocs, des tics et des tocs. Mais je laisse au pendule le soin de faire tic-tac, tic-tac. Avec mes grandes pattes, je fais toutes les danses. Boogie Charleston, Java et Square Dance, la valse à mille temps et la mazurka. Mais je laisse au moineau le soin de faire disco, disco. Toutes les nuits, avec mes copines, s'amuse en chantant du Gershwin toutes les nuits avec mes copains. On s'amuse en chantant du Gershwin. Pour être une vampe, la première autruche sous les feux de la rampe. Je garde l'espoir d'être un jour une star. Changer ma vie en fait en faisant des claquettes, claquettes. C'est des claquettes de langue, hein. Désolé les filles, vous savez pas le faire, mais c'est pas mon problème. I got rhythm, I got music, I got my man. Who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Toutes les nuits, avec mes copines, on s'amuse en chantant du Gershwin. Toutes les nuits, avec mes copains, on s'amuse en chantant du Gershwin. Quel est le producteur, le mania, le mécène qui me fera faire mon premier pas sur scène? Moi j'attends mon heure, même si pour l'instant je n'ai vu que le lion de la métro, Goldwyn Mayer. Tous les rêves de ma vie je passe, passe. Au fond d'un casino de Las Vegas, yes. Et dans mon cœur. Dans son quoi? Dans son cœur, mais c'est très haut là. Il y a un regret. On dirait Blanche-Neige. On s'amuse en chantant du Gershwin, Gershwin, Gershwin. Alors c'était quoi? Quelle était cette chanson? C'était la chanson de l'autruche. Extrait de Émilie Joly, Paul Taïkou au piano, Florence Pelli, Rachel Pignot et Vincent Eden, en quelque sorte directeur musical, ce matin de la 42e rue de France Musique. Merci, filez aux Folies Bergères à 16h, vous serez donc dans Love Circus. Rachel Pignot sera à Paris au Connétable les 5 et 19 juin dans un spectacle intitulé Au bar de l'Estang. Et puis également cet été au Festival d'Avignon dans Naturellement Belle. Et puis Florence Pelli, on vous retrouvera avec Jean Lacornerie dans l'Opéra de Katsou à partir de l'automne. Merci à tous. Sur la page de 42e rue, vous aurez toutes les références des chansons, le podcast. Vous étiez sur la 42e rue avec Benjamin Vignol, Jean Batois, Benoît Tétu, Philippe Thébault, Aurélie Moreau, Léa Racine, Martine Moni à la réalisation. Périne Maguil, fait un très bon dimanche à France Musique.